traîne dans une autre dimension, celle de la nuit et de son émulation. Dès que tombe le soleil, plus personne n'est pareil. De la capitale jusqu'à Toulouse, Montpellier, Marseille. Impressionnant comme les gens changent dès que les phares s'éveillent. La nuit, les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Les flics sont tendus, le visage blême. La moindre arrestation peut mal tourner. Par d'instant, les jeunes des bars font la tournée. Sortiront bourrés à l'hôpital, iront séjourner. Au pire, aux victimes de la route viendront s'ajouter. À l'heure où les commerces ferment, les gros business prennent le relais. Le long de l'avenue sous lampadaire, ça bigrave de tous les côtés. Berlin tombe vite un dé à l'allure suspecte. Course poursuite, si les keufs te détectent. La nuit pour pas grand chose, ça découpe des têtes. Danger permanent, les regards sont froids. Un conseil sort jamais seul, même avec des gros bras. By night c'est hostile, rendez-vous des clubbers. Le nez saupoudré, ils vont danser jusqu'à pas d'heure. Les ladies, elles ne manquent pas d'air. Les boîtes, leur champ d'action, toi-même tu sais sans commentaire. Jeux clandestins, poker, les bifs ton fil ou disparaissent. Comme un tour de Copperfield, rapide détour par le grec ou le McDo H24. On sera vite à sec, on fait crisser le 4-4. Mon pote Aurel me sert une fraîche du vel ou délirium. Sur les parkings, dans les vagos, c'est aquarium. Tout est tout le pro jusqu'à t'entame le rhum. Dans un coin ça se tape, même pas pour une grosse somme. La nuit révèle tous les côtés sombres de l'homme. Sous stupéfiant, ça se prend pour un bonhomme. Et s'affiche Armani ou Ralph Lauren. Dérapage incontrôlé, se croit sur McLaren. Mais y'a pas que des côtés négatifs. Y'a aussi des gens qui taffent, ouvriers à l'usine. Rappeurs qui bossent ses paragraphes. On rédige le journal du lendemain. Le boulanger prépare les croissants du petit matin. J'suis de ceux qui pensent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'me dois de représenter les gens qui se testent trop. Après une nuit éprouvante, la plupart rentrent se coucher, laissant la place au quotidien des gens mal lunés. Montpellier by night. Si tu t'ennuies dans ta chaumière, t'es insanule. Y'a pas plus important pour sortir quand ça nulle. Les couleurs de la nuit aux lumières qui s'allument. La ville nous appartient tant que brillera la lune. Strike narcose. Si tu t'ennuies dans ta chaumière, t'es insanule. Y'a pas plus important pour sortir quand ça nulle. Les couleurs de la nuit aux lumières qui s'allument. La ville nous appartient tant que brillera la lune. Le jour est terminé, sa lumière est ternie. Et je m'en vais m'éterniser dehors sans but déterminé. Un soir habituel, mon récidiver. Et qu'il y ait une soif résiduelle, bientôt je récidiverai. À l'heure où les gens dorment, il ne rentre plus le même gendarme. Entre ces murs que les légendes dorment, dans ces ruelles en somme, il n'y a que des putes qui manient la queue. Des homosexuels, des insomniaques. Et ceux qui déchantent comme cet alcoolique qui me parle d'un tol laconique. À croire qu'il est l'alcoolique, lâche-moi, je suis pas ton acolyte. Hier part de pas oblique, moi je marche dans le genre d'un mec dangereux. Même si j'ai pas le brolique, le seul enjeu est d'ordre parabolique. Je perce les lueurs, comme dans des tubes cathodiques. Plus l'heure, plus personne n'a d'activité calorique. Et plus de pudeur pour les choses pas catholiques. Cette ville regorge de plusieurs lieux, la frénésie chaotique. D'un côté de la rue, le kebab frit, de l'autre le bar, c'est l'archétype de la rue. À te faire cracher le fric, je fais que marcher vite. Il est déjà tard, mais si paf comme des barbares. Suffit qu'une patate part, pour les voir se battre comme des patates. Attends un rêve ma part. Je vais faire un tour, une heure ou deux, que je retourne à mon appart. Je trace ma route. Toulouse by night. D'Albi à Montauban, la nuit s'est tendue. De Toulouse à Montpellier, fais gaffe aux balles perdues. Du 8-1 au 8-2, tu nous as entendus. T'ennuies dans ta chaumière, t'es insanule. Y'a pas plus important pour sortir quand ça nulle. Les couleurs de la nuit aux lumières qui s'allument. La ville nous appartient tant que brillera la lune. Strike narcose. Si tu t'ennuies dans ta chaumière, t'es insanule. Y'a pas plus important pour sortir quand ça nulle. Les couleurs de la nuit aux lumières qui s'allument. La ville nous appartient tant que brillera la lune.